boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. C'était donc Bob Mould avec à l'instant un extrait de son nouvel album. Ce soir dans Pop and Rock, on prépare le déconfinement final, alors on emmagasine le max de groupes et d'artistes qu'on ne connaît pas encore pour se préparer à une orgie musicale et à des festivals gargantuesques avec tous ces groupes qu'on n'aurait peut-être pas découverts sans ce confinement qui nous laisse le temps de gratter et de chercher. Il y a du bon partout, en voilà la preuve, avec notre première nouveauté du soir, le nouvel album des Strokes, premier morceau que je vous propose, Bad Decision. Moscow 1972. Always singing. Fox, nouvel album The New Abnormal avec 9 nouveaux morceaux, dont Bad Decisions que nous venons d'écouter, mais aussi At The Door, piste numéro 6. I can't escape it. Never gonna make it out of this in time. I guess that's just fine. I'm not there quite yet. My thoughts are such a mess. I come in on board. Want to run in for run at the door. That's what they do right in front of you. Like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Can't escape it. Strokes, les New Yorkais, jamais aussi forts que lorsqu'ils sont ensemble pour nous proposer leur musique avec la voix si reconnaissable de Julian Casablancas. Ce nouvel album est pour moi la belle suite des 5 albums précédents, vous vous souvenez peut-être, au cas où, petite piqûre de rappel avec un morceau datant de 2001 pour l'album It Is It, on écoute tout de suite Trying Rock. If you want. Julian ou quand des gars bien coiffés, bien habillés, sans canaille, ça donne The New Heavy, histoire de ne pas s'endormir avant notre deuxième nouveauté du soir pop and rock, le groupe anglais de James Skelly, The Choral, qui reprend des titres de leurs 9 premiers albums en acoustique, avec notamment le morceau Shadowfall. Morning calls, darkness draws. Upon this day, a shadow falls. Silence walks through the hall. Since I've been gone, gone, gone. 100 years from today, lamplight to blaze. Paves my way till Jesus saves my early grave. I will be gone, gone, gone. Drop the anchor, lift my heart. From stem to stern, I'm torn apart. Mount my horse, pack my car. Tomorrow I'm gone, gone, gone. Seek the hall, leave the deck. Silver moon, silhouettes. In due time you will forget that I am gone, gone, gone. I will be gone. Gone, gone, since I've been gone, gone, gone, tomorrow I'm gone, gone. Wander through the darkness of your eyes. The moon it comes and rises like a ghost upon the tide of your sweet smile. And when you hide, where do you hide? What? Rebecca, you're out of reach. You built a wall around you I can't breach. There's no way through, Rebecca, you. Of the silence on the pathways of my mind. When I return on a road that always seemed to lead nowhere, will you be there? And when you hide, where do you hide? Why? You're out of reach. You built a wall around you I can't breach. There's no way through, Rebecca. Rebecca, you. Rebecca, you. Rebecca, you. Rebecca, you. The Chorale, en session acoustique. On vient d'écouter deux titres, le premier c'était Shadow Fall et à l'instant Rebecca You. Mais pour ceux qui comme moi découvrent ce groupe, The Chorale, on va faire un petit retour en arrière pour écouter deux de leurs anciens morceaux. On va écouter un extrait de In The Morning et puis on écoutera la totalité de Come Home. Times. présent entre deux petites nouveautés, on va se faire un habitué. Le groupe, c'est Manchester Orchestra, un morceau live, top notch. God, I wish we liked baseball. Les barbus de Manchester Orchestra, soyez certains qu'ils reviendront remplir nos oreilles dans Pop and Rock. Allez, troisième nouveauté du soir, le dénommé Will Butler. Si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, c'est un des membres de Arcade Fire qui prend de temps en temps la poudre d'escampette, comme dans l'album Generation qui sort en ce moment. Je n'aime pas tout ce qu'il fait, mais j'ai retenu deux morceaux, Surrender et tout de suite Bethlehem. The birds are Remember? I don't know. You told me. Maybe so. That you wanted. I don't know. To surrender. Something higher. Well, I remember it all. And I can tell you the truth. And I can tell what I told you. But I'm so tired. I'm so tired now. I'm so tired of sitting around thinking about you. I wish you were out of my head. Sans Brian Johnston Massacre, c'est un peu comme un bon repas sans vulnéraire. On écoute Nevertheless. Three words you have spoken. I saw there can be no mistaking. So tell me quick as you can. Because we're so tired. Qui peut le moins peut encore le pire. Tiens, ce serait peut-être la devise provocante de Anton Newcombe, leader des Brian Johnston Massacre. Par contre, de notre quatrième nouveauté de ce soir, je ne connais ni le pédigré, ni la devise. Je le découvre avec vous, avec son dernier album qui vient de sortir et qui s'appelle Sundowner. J'ai choisi deux extraits qu'on va enfiler. Tout d'abord Wonder, qui sera suivi de Brother Sister. On découvre dans Pop and Rock sur RVR, Kevin Morby. I wondered, as I wondered, why was I born in the wild wonder? It was a dream, only a dream, and it came back to you and me. And I wondered, as I wondered, why was I born in the wild wonder? It was a dream, only a dream, and it came back to you and me. And I wondered, as I go now, did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? In the car, on the highway, keep my eyes on the highway, in my chest, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. In my blood, in my blood. You and me together, behind my eyes, behind my eyes. Here comes stormy weather, on a drive, on the highway. Keep my eyes, on the highway, in my chest. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. And I wonder, as I go now, did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? Bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum. they killed you dead. I know, sister, now I live in your head. Oh, brother, but they put you in a hole. Just my body, sister, they never touched my soul. Oh, brother, we should turn back. Oh, no, sister, you know we can't do that. And the wheels on the bus go bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-bum, bum, bum. Their brother, I want them to see your eyes. No go from behind, sister, they should be surprised. Hit them hard, sister, then get to running. I will, brother, they'll never see it coming. Their whole lives, brother, laughter, love, and trust. Till now, sister, when they meet us, and the last thing they'll hear will go bum, bum, bum, bum, bum, ba-da, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba-da, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba-da, bum, bum, bum. Parce que Pop and Rock touche bientôt à sa fin, une petite bulle oldies but goldies. Too much. I thought that I heard you laughing. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. J'espère que vous avez aimé nos invités mélangés aux classiques des Strokes à Kevin Morby, en passant par Bob Mould et autres R.E.M. Et puis si vous avez l'oreille absolue, vous avez peut-être entendu une cinquième nouveauté lors de mes interventions. J'ai découvert cette semaine The Beatles Band et leur dernier album instrumental. Alors on va terminer par un de leurs morceaux, Gun Metal Grey. On écoute donc The Beatles Band et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même à même endroit. Bisous à tous.